Vous suivez la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition dont voici les titres. L'affaire concernant la douzaine de Burundais tués en Afrique du Sud est déjà dans les mains des autorités sud-africaines et burundaises, assure l'ambassadeur du Burundi à Johannesburg. Ce 25 avril, journée mondiale de la lutte contre le paludisme, l'occasion pour le gouvernement du Burundi d'annoncer pour très bientôt l'introduction du vaccin contre cette maladie aux enfants de 6 à 18 mois. Deux transformateurs électriques au quartier neuf de la zone urbaine d'Ongagara ont été les cibles de deux explosions au cours de la nuit de ce mercredi à jeudi. Reportage à suivre, voilà pour les titres. C'est la fin à Kizimana sur la mise en onde de Jean-Marie Mayonga à la présentation. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Des explosions ciblées de transformateurs électriques au quartier neuf de la zone urbaine d'Ongagara au cours de la nuit de ce mercredi à jeudi. L'administration à la base qui parle d'un transformateur détruit informé qu'un présumé auteur de ces explosions a été arrêté sur place et confié aux instances policières. L'administration demande que la sécurité soit renforcée, plus particulièrement autour de ces équipements électriques. Placide Niyomungiri. Sur ces lieux d'explosion sont visibles des pièces chambardées du transformateur électrique se trouvant sur l'avenue Kinyangongé, à moins de 100 mètres du siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En plus des trous creusés par ces explosifs dégoupillés dans la place qui abrite un autre transformateur au niveau de l'avenue Nyabitsindu, près du restaurant baptisé Restaurant Yakanovera. Le responsable de ce restaurant se trouva tout près de l'usine de transformation d'eau minérale qui déplore aussi des objets endommagés, affirme que ces détonations ont été entendues entre 19h et 20h de ce mercredi. Lorsqu'on servait nos clients, on a entendu une forte explosion. Ça nous a fait peur et on courait dans tous les sens. Nos objets et nourriture ont été chambardés et des vitres de la maison cassées. On enregistre une perte énorme. En plus, le chef d'avenue Nyabitsindu ajoute que certaines maisons de la localité ont vu certains de leurs vitres touchées par des éclats, causant aussi des fissures. C'est au moment où Muhizi Wilson, chef d'avenue Kinyangongé, déplore la destruction d'une partie du transformateur électrique, plongeant aussi le quartier dans le noir. Parmi les objets endommagés se trouve ce transformateur qui alimentait ce quartier et des plafonds et vitres des maisons ont été aussi touchés. Il s'agit d'une simple criminalité, sinon la sécurité était garantie. Selon la population et ses chefs d'avenue, une personne présumée auteur de ces explosions a été arrêtée sur place et plaide pour le renforcement de la sécurité autour de ces équipements électriques. Un mineur de ce restaurant a vu une personne qui tentait de faire exploser cet engin à l'aide d'une allumette et a alerté le policier en tenue civile qui était sur place. Et ce dernier s'est précipité pour l'arrêter lorsqu'elle courait vers une église. Nous demandons que la sécurité de ces transformateurs visés soit renforcée. Ces explosions viennent s'ajouter à une autre qui a ciblé le transformateur électrique se trouvant dans la zone Benedo Moussaga il y a à peu près 2 semaines. À propos, au niveau de la police nationale du Burundi, contacté par la radio-télévision Isanganiro ce mercredi, on se réserve de tout commentaire. Placide Niyomungiri. Toujours dans le domaine de sécurité, les Burundais vivant en Afrique du Sud et 10 et 32 et suite aux assassinats qui ont visé une dizaine de jeunes Burundais vivant à Cape Town, Zeno Ndayisenga, un des Burundais vivant dans ce pays, demande à l'ambassade du Burundi en Afrique du Sud de tout faire pour que cette chasse aux Burundais qui serait orchestrée par des personnes d'origine éthiopienne. Suivez Zeno Ndayisenga dans ses propos recueillis par Évariste Ndikobanyang. Les Burundais vivant en Afrique du Sud sont en deuil suite à des tueries perpétrantes. Les jeunes Burundais qui vivent en Afrique du Sud en général et dans la ville de Cape Town en particulier. Les Burundais vivant en Afrique du Sud sont alors concernés avec ce genre de tueries sélectionnées et visant les Burundais là où une dizaine de Burundais sont succombés. On demanderait les autorités de l'Afrique du Sud de suivre de près tout ce qui se passe en essayant de protéger ces Burundais qui vivent en Afrique du Sud. spécialement ceux qui vivent dans la ville de Cape Town. En plus, on encouragerait l'ambassade du Burundi de collecter toutes les informations nécessaires relatives à ces tueries et de demander de faire une réunion imminente avec les autorités concernées en Afrique du Sud afin d'étudier comment bien protéger tous les Burundais vivant en Afrique du Sud. Selon les dires, il y en a qui avancent que les Éthiopiens vivant en Afrique du Sud seraient derrière ces tueries, mais on continue à chercher la vraie cause. Et l'ambassadeur du Burundi en Afrique du Sud confirme ce meurtre qui ont déjà coûté la vie de 12 Burundais depuis fin mars dernier. L'ambassadeur Alexis Bukuru explique que ces assassinats sont liés au conflit à caractère commercial entre les communautés éthiopiennes, somaliennes et burundaises vivant en Afrique du Sud. Il ajoute que cette affaire est déjà dans les mains des autorités burundaises et sud-africaines pour tenter de calmer la situation. Des conseillers collinaires concubins ont été suspendus de leurs fonctions en commune Ruhororo de la province Ngozi. Décision prise par le gouverneur de cette province lors d'une descente effectuée dans cette commune ce jeudi pour écouter les doléances de la population. Le gouverneur Désiré Minani a donné jusqu'à lundi prochain pour que toutes les femmes concubines soient chassées dans cette commune. Il a annoncé à cette occasion que 800 femmes ont été déjà chassées en province. Ngozi, le point avec Apollinaire Muzagar. Ces conseillers collinaires limogés ce jeudi sont ceux des collines Guamiko et Ruyaga en commune de la province Ngozi. C'est après le constat que 80% des doléances des femmes de cette commune sont liées aux problèmes causés par le concubinage, d'où le délai de chasser toutes les deuxièmes femmes, même celles logées par leur mari dans d'autres maisons construites ailleurs. Et cela, dans un délai ne dépassant pas ce jeudi proche, le gouverneur Désiré Minani ordonne à cet effet tous les chefs de collines et chefs de zone de s'y mettre dès aujourd'hui, à commencer selon lui par tous les élus, y compris les notables collinaires, cite à cette occasion. Le gouverneur d'Ngozi a ordonné la fermeture d'une maison construite en commune Ngozi par un policier qui a laissé son foyer légal en commune Ruhoro. Sa conjointe demande toujours la conjugaison des efforts pour que son mari retourne à la maison afin de l'aider à la prise en charge de ses enfants. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Radio Sanganiro Journal continue, page santé. Le gouvernement du Burundi compte introduire prochainement le vaccin contre le paludisme aux enfants de 6 à 18 mois. Ce vaccin sera introduit dans la vaccination de routine et commencera dans 8 provinces sanitaires qui affichent plus de cas de paludisme et de décès dus au paludisme. Ces provinces sont Bubanza, Chibitoke, Karusi, Kirundo, Muyinga, Ngozi, Rutana et Ruyigi. Dans un communiqué du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, 25 avril, journée mondiale de lutte contre le paludisme, montre que le nombre de personnes dépistées positives a diminué de double au simple, passant de près de 2 millions en 2022 à 1 million en 2023, et que cette diminution a été due au fait que la distribution de masques et de moustiquaires a été faite à la population avant la fin de l'année 2022. Page justice. La vérité déjà trouvée par la commission vérité et conciliation sur la crise de 1972 doit être comprise comme une vérité au service de la réconciliation et de la paix. Propos de Pierre Clavé Ndaïchalié, président de la commission vérité et réconciliation, lors d'une conférence publique ce jeudi. Pierre Clavé Ndaïchalié indique que les enquêtes de la commission vérité et réconciliation sur les années de 1972 et 1973 éclairent les Burundais sur les mensonges d'État qui ont caractérisé, selon lui, cette page sombre. Suivez-le. Nous sommes au mois d'avril, une période au cours de laquelle les opinions sont régulièrement agitées depuis les années 1972-1973. Sous la première et la deuxième république, il était dangereux même de prononcer le chiffre 72. Certains Burundais traumatisés préféraient à la place l'inverser en disant 27. Autour de la date du 29 avril, de nombreux citoyens étaient atteints de peur panique. Dans certaines écoles secondaires à régime d'internat, les élèves étaient interdits de sortir. Dans certaines localités du pays, certaines personnes se rasaient la tête en signe de deuil. ou allaient faire clandestinement des ablutions dans les rivières pour y lever de deuil symbolique. Il n'était pas rare, dans certaines localités du sud du pays, que des Bahoutous et des Batoussi se rencontrent la nuit dans les marais fuyant une éventuelle attaque. Les auditions et les témoignages collectés par la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi. Au cours des exercices 2020 à 2022, ont confirmé ce phénomène en particulier dans le sud du pays. Même actuellement, les séquelles de cette peur panique existent encore. Des manifestations sont organisées sous la forme de messes, de conférences, de marches, de commémorations de toutes sortes. La Commission Vérité et Réconciliation a senti l'obligation et la nécessité de s'exprimer aujourd'hui pour éclairer l'opinion sur la vérité qu'elle a déjà trouvée à propos de ces faits observés à l'approche de cette date fatidique du 29 avril. Pierre Clavin-Daïcherie, président de la Commission Vérité et Réconciliation. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD déclare que tous les avis des leaders politiques on s'excuse suite au problème du courant électrique. On s'excuse sur cette coupure du courant. Je vous disais que le secrétaire général du parti CNDD-FDD déclare que tous les avis des leaders politiques ne pouvaient pas être tenus en considération pour enrichir le projet de loi électorale. L'Evelien Dikourio s'exprimait ce mercredi en marge du congrès national de son parti. Il a par ailleurs nié l'implication du parti au pouvoir dans les problèmes que connaît le parti CNL. Le point avec Jean-Marie Vianney, Gendakouman. Au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi à Mumba en province Ngozi au terme d'une réunion du comité central du parti au pouvoir CNDD-FDD, le secrétaire général de ce parti, Evelien Dikourio, a rejeté les accusations selon lesquelles le CNDD-FDD serait derrière les conflits politiques au sein du parti Congrès national pour la liberté CNL. C'est comme une légende pour nous, parce qu'au sein du CNDD-FDD, nous organisons un congrès qui met en place le secrétaire général et il est remplacé par la même procédure. Je ne sais pas si la déchéance du président du parti au sein d'autres formations politiques est synonyme de scission. J'estime que ce n'est pas le cas pour le parti CNL. J'ai été au courant que ce parti a organisé un congrès ici à Ngozi pour mettre en place ses organes. Est-ce que le CNDD-FDD peut tremper dans cette histoire de scission des partis? Concernant l'alimentation de certains acteurs politiques, que leurs suggestions n'ont pas été considérées dans le nouveau code électoral, le secrétaire général du CNDD-FDD, l'époque, toutes ces contributions ne pouvaient pas figurer dans ce code, vu le nombre d'acteurs qui ont eu à dire là-dessus. Est-ce que l'on veut vraiment que tout ce que l'on dit soit pris en compte? J'ai parlé de 40 partis politiques. Sachez que quand l'on veut se présenter au présidentiel et que l'on exige 5 millions, est-ce que vous savez ce que c'est un pays? Quelque part, j'ai entendu des gens dire que personne ne peut avoir 100 millions. Qui est cette personne qui prétend être président qui ne peut pas avoir les 100 millions? Est-ce que les membres ne peuvent pas cotiser? Un parti politique ne peut pas exister sans membres. Sachez-le. L'Evelien Dikourio a également affirmé que la loi législative l'interdiction d'utiliser le téléphone portable au service pour les fonctionnaires de l'État sera mise en place dans les jours à venir. Jean-Marie Vianney, Gendakoumana. Les habitants du chef-lieu de la province Makamba réclament une interdiction formelle aux poids lourds de passer par les routes locales goudronnées parce qu'elles se dégradent progressivement. Le représentant du ministère des Infrastructures, des Équipements et de Logements Sociaux demande à l'aide à l'administration communale de prendre en main cette question. L'administrateur de la commune Makamba promet de la soumettre à l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat, Élisée Quizer.